Chez Service financier Jacqueline Doucet, notre mission est de vous aider à atteindre l'indépendance financière. Grâce à des stratégies personnalisées, nous sommes en mesure d'optimiser votre situation financière en vous proposant une planification complète en placement et en assurance. Pour rencontrer une équipe dynamique et professionnelle, composez le 418-276-6170. Toute l'équipe de Service financier Jacqueline Doucet est fière d'acheter localement pour protéger nos emplois et notre économie. Beaucoup de monde, évidemment, était fier sur les médias sociaux. On a vu hier que Samuel Girard a été confirmé à tout le moins pour les 9 premiers matchs avec les Prédateurs de Nashville. Donc, certainement, la personne la plus fière devait être son père, Tony Girard. On le rejoint à Robertval pour savoir un peu comment il a vécu ça, le camp d'entraînement. Salut, Tony. Oui, salut, Danny. Tony, comment tu as vécu ça? Ben, on va te dire une chose que... Hier, Sam nous a annoncé qu'il faisait partie des Prédateurs de Nashville, là, qu'il avait annoncé ça. Puis, comment est-ce qu'on a pris ça? Ben, c'était vraiment fou ici, dans la maison, là. C'est un rêve, autrement dit. C'est le même qu'on a pris ça, c'est comme un rêve. Présentement, je le réalise, je pense pas encore. Fait que, c'est comme ça. OK. Mais, forcé d'admettre qu'il y a un match, je pense, c'est la semaine dernière, jeudi passé, qui a joué 24 minutes 2 secondes plus 2. C'est attiré les éloges de Pierre Laviolette. Certainement que c'est à partir de ce moment-là que ça y a dû un petit peu cimenter sa place avec l'équipe. Ce match-là qu'on parle, là, ça a dû être ça qui a fait la différence. Oui, pas mal sûr, mais je te dirais que tous les matchs qu'il a joués, il a vraiment très bien joué. Nous autres, on les a tous écoutés. Là. Ouais. Puis je vais te dire une chose, qu'il a vraiment très bien joué tous les matchs. Il n'a pas connu d'erreur. Écoute, ils l'ont fait jouer sur toutes les facettes de jeu, en power play, en piqué, à 5 contre 3. Je te dis, non, vraiment, je pense que le Nashville, ils ont vraiment eu des bonnes éloges envers lui. OK. Tony, à quelque part, c'est pas vraiment la meilleure organisation. Tu sais, beaucoup de monde regrette un peu. Je voyais encore ce matin que André Ouellette, qui est un de mes anciens collaborateurs, qui écrivait que le Canadien... ça va être une transaction qui va les hanter plus tard. Mais pour le développement de Samuel Girard, c'est pas vraiment la meilleure équipe. Hein? C'est parce que tu regardes, ils ont un passé de défenseurs, de développer les défenseurs. Ça doit certainement l'aider. Là. Ah, c'est sûr et certain. Écoute, Peter Laviolette, c'est un style d'entraîneur qui mise gros sur une défensive offensive. C'est la meilleure défensive offensive de la Ligue présentement, là, puis l'année passée, puis il y a 2 ans. Là. Fait que vois-tu, puis on a tout fait le saut que Sam reste là parce que, écoute, là, ils ont vraiment juste des bons défenseurs. Pour que Sam ait réussi à déloger certains défenseurs, exemple, comme le petit Carrier, que ça fait 3 ans qu'il était dans la Ligue américaine, qui était pas mal sûr de se tailler une place cette année. Là. Mm-hmm. Fait que Sam il a passé au travers, là, puis. Non, c'est numéro 1 pour lui. OK. Là, comment que... Je vais essayer d'y parler. Je devais y parler aujourd'hui, mais on n'a pas été capable de... Mais tu me dis avant de rentrer en autre, que c'est sûr qu'il ne jouera pas demain, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK. Donc, il ne jouera pas demain, puis il ne jouera pas probablement l'autre match non plus. Il m'a dit que les deux premiers matchs, il ne devrait pas jouer, à moins d'une bad luck qu'il y ait un blessé ou qu'il y ait un défenseur qui joue vraiment pas bien, là. Au-dessus, fait qu'on attend des nouvelles de ça. OK. Tu disais que c'était un rêve au début. À quelque part, ça fait longtemps que j'entends parler de Samuel Girard. À partir de quel âge que tu pensais vraiment qu'il allait aller de la Ligue nationale? Ben, je ne te fais pas de mentir, comme je l'ai dit en onde aujourd'hui encore. En onde, depuis qu'il a chaussé la première fois les patins. C'est pas de mentir, je te dis. Écoute, on a chaussé les patins il y avait 4 ans. Puis normalement, un enfant de 4 ans, pour la première fois que tu as sauté des patins, ça a besoin d'une chaise ou ça tombe. Lui, il a embarqué sa glace, puis il a parti comme une fusée, puis il tournait sa glace, puis tout allait bien. C'est là que j'ai vraiment cru que ça allait être vraiment un bon patineur. Puis en plus de ça, ben, on jouait beaucoup dans la maison avec des garçons, puis tout ça. Écoute, mon sous-sol, on jouait avec des petits bâtons, puis tout ça. Puis il avait déjà des habilités, là, vraiment de... Pour avoir une vision de jeu, faire des passes à ses petits frères, puis tout ça, là, il l'avait déjà. Là. Ça a commencé, je te dirais, à 4 ans. OK. Mais c'est pas juste ça, Tony, c'est sérieux. T'sais. Souvent, ce qui fait la différence entre un joueur qui a le talent, ils ont pas mal tout le talent pour atteindre ça, mais c'est sérieux qu'il y met, puis l'effort qu'il est capable de mettre. Puis moi, ce que j'ai remarqué de Samuel, c'est son sérieux. avant tout, là, c'est oui, il y a une vision de jeu incroyable, mais s'ils sont sérieux, ce gars-là. Ben, c'est en plein ça. Écoute, il y a vraiment un mental très, très, très fort. Écoute, il avait 13 ans, puis mentalement, on aurait dit qu'il avait 16, 17 ans. Il a toujours été sérieux, sérieux, sérieux, puis il s'est jamais vanté, tout ça, puis c'est pas moi, c'est les autres, tout le temps. Écoute, il a vraiment un bon mental, puis quand il fait de quoi, Sam, là, il va jusqu'au bout, puis je pense qu'il a réussi. OK. Donc, on est pas mal tout fiers. Hey, Tony, Jérémy s'est rendu où, ça? Jérémy, il joue pour les Marquitans de Junior 2A à Chambéry. OK. Ouais. Puis... Il l'année passée, il a fait des top marqueurs et tout ça. Puis vois-tu, il y a eu une offre pour aller en Europe cet été. Ah oui? OK. Aller jouer au hockey par là, puis, directement en France. Mais sauf qu'il s'était grossé le poignet, fait qu'il a oublié le projet. Fait qu'il a dit qu'il allait se reprendre l'année prochaine. Est-ce que le fait que c'est le frère de Samuel, ça peut l'aider pour ça? Non. Je crois pas, parce que vois-tu, Jérémy, c'est un marqueur naturel. Puis, il y a vraiment des habilités au hockey aussi. Okay. Non, je pense que c'est pas Samuel, c'est vraiment inné en lui aussi. Parce que depuis son parcours tout jeune à aller jusqu'à aujourd'hui, il a toujours été dans les top marqueurs de son équipe tout le temps, je dirais. Ouais, OK. Ben, Tony, félicitations, tu dois sûrement être fier. On est pas mal tout fiers de le voir avec Piqué Souben également. C'est les Prédateurs de Nashville, je pense qu'ils se sont gagnés. Avec la présence de Piqué quelque part, il y avait beaucoup de partisans des Prédateurs de Nashville au Québec. Mais là, je pense qu'il va en avoir encore plus au Lac-Saint-Jean avec la présence de Samuel. Tu parlais de Martin Maudou. Eux autres, ils viennent pour un... Ben là, c'est pas sûr. Là, il est confirmé pour les 9 prochains matchs. Mais les Cataractes de Shawinigan, pour eux autres, là, c'est toute une claque en plein visage. Là, parce que t'as Beauvillier qui... Puis Samuel, c'était écrit... C'était pas un secret pour les Chinois qu'elle a été changée à l'automne. Là. Donc, eux doivent prier quelque part qu'ils reviennent pour être... Ouais. Ben, c'est sûr qu'ils doivent prier pour qu'ils reviennent, mais les Cataractes, ils vont probablement les changer, que c'est ce qu'on pense. Au-dessus, ben, c'est sûr qu'eux autres, il faut qu'ils aillent chercher des choix ou des bons joueurs pour upgrader. Mais non, c'est sûr que les Cataractes, ça, mais le manque bien gros, là, écoute... on le voit tout de suite au début de la saison, là, c'est 0-4, je crois, là, pour Shawinigan. On s'en sort pas bien parti. Puis... Sauf que c'est peut-être une preuve, mais que Shawinigan, ils sont capables de monter des très bons joueurs comme Beauvillier et Sam. C'est une méchante claque dans la face. En tout cas, c'est la deuxième en 2 ans. Ça fait mal à une concession. Là. T'as Beauvillier l'an passé, puis là, t'as Samuel cette année. Si tu verrais le dégât de téléphone qu'on a des partisans, on s'est fait beaucoup d'amis là-bas. Ouais. Donc, ils nous appellent, ça, mais comment ça marche, puis il va-tu la redescendre, puis tout ça, puis nous autres, c'est ça de l'Est, puis on dit, gars, c'est au jour le jour, puis encore hier, il m'a dit, ben, je vais tout faire pour rester là, je vais tout faire pour rester dans les nationales, puis je pense que ça, mais je le disais de départ, s'il fait pas les nationales, c'est pas parce que c'est pas un manque de vouloir. C'était juste ça que dans son cas. Ben, Tony, félicitations encore une fois. On va peut-être avoir l'occasion de se reparler sûrement en dehors des ondes. Ben, merci beaucoup, Danny, puis merci de le suivre et de l'encourager. Tony Girard, le père de Samuel Girard.